J'ai compté toute la journée jusqu'à m'en brûler les ailes. J'ai cogité toute la nuit jusqu'à ce que s'éclaircisse le ciel. Hugo, j'ai demandé pardon. On m'a demandé la mort. Chez toi, on est peut-être personne. Chez nous, c'est nous les plus forts. On connaît que le noir. Pareil que la lumière existe. On connaît. Le temps passe, le temps passe. J'ai très bien quoi faire de ce prix. En plus avec les watts, j'suis pas trop papaya, j'suis plus en fric. De plus avec les watts, un coup de feu, y'a plus personne de leur clip. Bang bang. Nouvelle arme à la maison. Car moi j'en vaut le prix de ta vie. La vie, c'est pas moi. C'est un autre qui l'a déshabillé. Tu m'auras détesté. Tu m'auras lâché deux trois je t'aime. C'est pas moi. C'est ma putain nouvelle vie qui s'aime. Mira, mira, mira. Veux-tu pélican? Mira, mira, mira. Veux-tu pélican? Mood, mood, mood. La meilleure amie. Ouais, chauffe le bol. Veux-tu pélican? Mira. La meilleure amie. Une touche de bol. Veux-tu pélican? Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bizarre, bizarre, bizarre. Je retourne demain, dis-moi pourquoi. Mira, mira, mira. Tu sais la vie t'a mis des coups à long terme. Je t'ai vu nager trimer dans le halam rempli. Je t'ai vu tout seul connaître le temps sa lenteur. Je sais que tu sais que la haine éclaire ta lanterne. Mais voilà, voilà, voilà. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'aimerais sourire des fois. Mira, mira, mira. Tu te rappelles pas quand t'étais heureux sans rien? Quand tous ces gens pensaient que t'étais qu'un pour rien. Ici l'amour te manque mais tu l'abandonnes. T'es dans l'attente dans l'ombre d'un parloir fantôme. Voilà, voilà, voilà. C'est chelou tu sais Mira. Je regarde ce ciel tout noir. Mais j'espère tu sais Mira. Gros t'as ta chance alors saisis-la maintenant. Remémore pas toutes ces galères, ces instants. Chaussures trouées en Nike en fila fila. Mougli tu verras vida Mira Mira. Mira, Mira, Mira. Veux-tu pélican? Mira, Mira, Mira. Veux-tu pélican? Mood, mood, mood. La meilleure amie. Ouais, chauffe le bol. Veux-tu pélican? Mira.